SL. Mae mazalaka kofinga pe kotongo bakonga lelo ba master. Mae moto na mesana kobondela wa bolonenga chérie. Je suis resté seul. Aïe aïe aïe.